deuxième temps de notre série consacrée à la bande dessinée qui entre dans l'histoire, une bande dessinée historicisée et même muséifiée aujourd'hui. Aujourd'hui, le documentaire. Après avoir écouté hier l'auteur de bande dessinée Étienne Davodeau et l'historien Sylvain Venner nous expliquer l'entreprise éditoriale qu'est l'Histoire dessinée de la France, dont le premier tome, La Balade nationale, dont ils sont les auteurs, sort demain en librairie. Et avant-demain, une balade radiophonique dans l'exposition Goscinny sur le père d'Astérix et d'Isnogoud au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Nous allons ce matin en Belgique, à Tournai, où se trouvent les archives de la grande maison d'édition de bande dessinée qu'est Casterman. Le Casterman de Tintin, le Casterman d'Alix, de Tardy ou encore d'Hugo Pratt, dans les archives desquelles travaillent aujourd'hui de jeunes historiens. C'est l'histoire que nous raconte ce matin jusqu'à 10h le documentaire de Victor Massé de l'Épinay et de Marie-Laure Ciboulet, avec les témoignages de Bernard de Smaël, de Florian Moine, de Sylvain Lesage, de Benoît Mouchard, de Didier Plateau et de Louis Donat Casterman. Donc une partie ici est placée par série ou par collection. Vous pouvez voir Alix, Les Quatre As, Yakari ou Farandole, la collection de Martine. Des ouvrages pour la jeunesse comme L'Âge d'or, où on a tous les livres de la Comtesse de Ségur, par exemple, illustrés. Mais également, là, on peut voir là encore une nouvelle orientation de Casterman avec, dans les années 1990, l'édition de manga. Et puis on voit une case avec marqué Léo Mallet et Tardy. Mm-hmm. Entre essai de morale catholique et littérature du XXe siècle et christianisme. Oui, c'est tout le paradoxe en fait. C'est finalement le témoignage concret des métamorphoses finalement de Casterman. Et vous avez également des choses aussi différentes que des guides de voyage et des ouvrages destinés aux jeunes femmes au seuil du mariage. Donc là, on a vraiment toute la panoplie éditoriale de Casterman. Les éditions Casterman, aux sources de leur histoire, Victor Massé de l'Épinay, Marie-Laure Ciboulet. Comment écrire l'histoire d'une entreprise, et plus particulièrement d'un éditeur? En étudiant son catalogue pour y déceler des permanences, des évolutions, des innovations, des ruptures. Mais aussi et surtout en se plongeant dans les sources de l'histoire et de l'historien, les souvenirs, les témoignages et les archives. C'est aux archives de Casterman que nous nous rendons aujourd'hui. Nous y réunissons un membre de la famille qui a fondé cette entreprise et lui a donné son nom, deux des dirigeants de la maison, l'un ancien, l'autre actuel, deux historiens et un archiviste. Et remonter aux sources, c'est également se rendre là où tout a commencé. Alors Sylvain Lesage, on se retrouve à la gare de Tournai. C'est ça. Vous venez souvent ici ? Je viens en voisin, puisque... On est vraiment dans la métropole lilloise élargie et la frontière est quasi invisible. D'ailleurs, elle est assez récente à l'échelle du pays. Lille a longtemps dépendu du diocèse de Tournai. Donc Casterman est né ici à Tournai et a marqué, on peut dire, la ville de son empreinte. Oui, alors vous voyez, c'est une ville qui a longtemps été prospère. Alors aujourd'hui, sa santé est nettement plus déclinante. Et cette prospérité, elle a reposé en large partie sur une poignée de familles. Et les Casterman sont une de ces familles qui ont tenu la ville et qui se mariaient avec les quelques autres familles de la ville, donc les Dont, par exemple. Mais Casterman, c'était donc l'imprimerie. À partir du XVIIIe siècle, donc comme tous ces éditeurs, ils sont à la fois libraires, imprimeurs, éditeurs. Et la fonction d'éditeur ne se spécialise que progressivement. Et Casterman, sa grande particularité, ça va être de toujours garder les deux branches. Et en fait, d'avoir une transmission familiale qui repose sur les fils et où l'on transmet à un des fils l'imprimerie et à l'autre fils la maison d'édition. Ouais, en gros, les archives sont tout droits, donc on peut passer par le haut ou par le bas. Louis Donat Casterman, vous êtes un des membres de cette grande famille Casterman. On vous a présenté comme étant un des historiens de cette famille et de cette entreprise. Vous portez vous-même le prénom de celui qui a fondé l'entreprise Casterman, Donat. Oui, effectivement. Donc c'était un jeune homme orphelin qui est devenu apprenti chez un libraire à la fin du XVIIIe siècle, dans Tournai, et puis qui s'est lancé après comme à son compte, comme on dit, et donc il a développé sa librairie, et puis au tournant du 18e, 19e, il a même lancé une petite imprimerie, et donc tout est parti de là. Autant la ville a marqué l'entreprise que l'entreprise ne l'a marqué dans la suite, parce que bon, évidemment, Tournai, vieille cité épiscopale, ce qui a donné un ton aux productions de la maison Casterman tout au long du 19e siècle. Et en contrepartie, l'entreprise prenant de l'extension a évidemment pu recruter plus d'ouvriers, d'employés, et alors encore davantage au cours du 20e siècle. C'était une des entreprises phares de la ville, bien sûr. Il y avait une autre maison d'édition et d'imprimerie, la maison d'Esclée, qui a eu également son heure de gloire, qui, elle, était nettement concentrée sur le livre liturgique, et évidemment, le Concile Vatican II a tari sur son marché, si je puis dire. Tandis que Casterman a pu évoluer au cours du XXe, et notamment via la bande dessinée, donc renouveler totalement son catalogue. On va un peu devant la cathédrale. Bah oui, et puis en plus, comme ça, on arrive sur la grande place, on fait un petit crochet, mais de 5 minutes. En plus, ce qui est vraiment triste en ce moment, c'est qu'on n'aperçoit pas les 5 tours qui sont très caractéristiques de l'architecture de cette cathédrale. Et j'ai un souvenir de poinçons de Casterman, alors des poinçons anciens. Il me semble qu'au 19e, Casterman utilisait cette silhouette de la cathédrale comme une sorte de logo. Évidemment, ça dit bien cette identification à la fois à la ville et puis à ce catholicisme. Alors là, le petit train touristique, j'en reviens pas. C'est la première fois que je le vois. Benoît Mouchard, vous êtes directeur éditorial de la bande dessinée chez Casterman. Aujourd'hui, quand on entend Casterman, on pense d'abord bande dessinée. Oui, et pourtant, c'est un éditeur qui a très longtemps été un éditeur catholique, avec l'imprimatur épiscopal, etc., qui, au courant du 19e siècle, a commencé à éditer des livres qui étaient offerts aux bons élèves, ce qu'on appelait les livres de prix, et ça a été le début de la maison dans le domaine de la jeunesse. Pendant très longtemps, entre les années 30 et les années 70, la bande dessinée chez Casterman, c'était essentiellement la maison d'Hergé. Oui, et Hergé est rentré dans la maison, non pas en tant qu'auteur de Tintin, mais en tant que graphiste. Donc il concevait des couvertures. Et donc les premiers contacts entre Casterman et Hergé datent de 1932. Hergé, à l'époque, s'auto-édite. Il imprime à ses frais et il distribue lui-même Tintin au pays des Soviets, Tintin au Congo et Tintin en Amérique. Et Charles Laine, qui est donc son interlocuteur chez Casterman, le contacte d'abord pour illustrer et concevoir les couvertures et les illustrations intérieures de plusieurs livres. Et au fur et à mesure de leur conversation écrite, dont on a beaucoup de traces, eh bien Charles Laine va proposer à Hergé que Casterman devienne l'éditeur de Tintin. Donc le premier livre de Tintin qui va paraître chez Casterman, c'est Les cigares du pharaon. C'est la première fois que le nom de Casterman, avec d'ailleurs les deux villes où Casterman est basé, Paris et Tournai, donc c'est la première fois que Casterman apparaît sur une couverture de Tintin. Didier Plateau, vous êtes né à Tournai pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est là-bas que vous avez passé votre enfance aussi. Quel souvenir est-ce que vous gardez de cette ville dans les années 50, disons ? Pas nécessairement des souvenirs idéalisés. Donc c'est avec le recul du temps qu'on mesure un petit peu l'intérêt parfois de certaines villes. Parce que quand j'étais jeune, adolescent, c'était une ville bourgeoise, ville de province moyenne, avec toutes les inerties qu'on peut trouver dans ce genre de ville, à une époque un petit peu traditionnaliste, hein, aussi, une ville très catholique. Et donc, j'ai quitté cette ville quand j'avais j'ai fait mon premier boulot à Bruxelles, après mon service militaire, j'avais 24 ans, et je m'étais bien dit que j'y reviendrais jamais. Et j'y suis revenu. J'avais l'envie, le désir de rentrer en édition, Ça me fascinait depuis toujours. J'avais des projets, j'ai prospecté plusieurs éditeurs. Et étrangement, j'ai reçu une invitation à l'entretien de Casterman. Et là, on m'a demandé d'analyser des œuvres, d'analyser d'ailleurs Martine, il faut voir ce que j'en pensais, hein, la célèbre Martine, etc. Donc j'ai répondu comme je pouvais à l'époque. Avec le recul, je trouve que je n'ai pas très bien répondu. Qu'est-ce que vous avez répondu ? Bah, que Martine était obsolète, quoi. Donc, et je me suis rendu compte après, quand j'allais chez Casterman, combien c'était un succès considérable. Et du coup, je me suis interrogé, mais pourquoi ce succès ? Donc, c'était tout à fait intéressant et passionnant. Mais au départ, bon, c'était pas mon univers, évidemment. Et donc, ils m'ont quand même engagé. Hein, donc, et je suis revenu à tourner comme ça chez Casterman, engagé en octobre, je crois, 1972. À ce moment-là, qu'est-ce que représentait Casterman pour vous ? Quelle image aviez-vous de cette maison ? Alors l'image était l'image en général que tout le monde avait, c'est-à-dire c'était l'éditeur de Tintin, en bande dessinée c'est Tintin, donc il avait le meilleur de tout ce qui existait dans l'histoire de la bande dessinée, ce qui était déjà pas mince, hein, quoi. Et avec ce qu'il y avait autour comme Alix de Jacques Martin, il y avait François Cranals aussi, donc voilà, un univers important mais petit quantitativement. C'était étrange, hein, parce que quand je suis arrivé, le premier jour, on m'a mis dans un bureau, dans un fond de couloir, un bureau sympathique, petit, avec des rayons de bibliothèque vides. Le bureau était vide. Il n'y a pas un crayon, il n'y avait rien, il y avait une chaise, une table. Et j'ai attendu. Et j'ai attendu à peu près un mois. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on me veut ? Pourquoi on m'a engagé ? Avec le recul du temps, je me dis, on m'a engagé parce qu'ils avaient une conscience qu'il y avait un fossé au niveau de l'âge. C'est-à-dire que tous les dirigeants de l'époque avaient 50 ans. Parfois bien sonné, pas loin de 60. Et donc, il s'était dit, il faut un jeune. Voilà, faut qu'on va le mettre dans le bac à sable. Voilà. Et le jeune, qui avait moins de 30 ans, c'était moi. Et puis, lui, Robert Casterman m'a invité un jour à venir voir Hergé avec lui. Et ça, c'était un grand moment, parce qu'on était mis en contact, un contact très simple, et qui m'a demandé de renouveler après aller voir Hergé, parce que Hergé, à cette époque-là, était dans son époque heureuse, il ne travaillait plus beaucoup. Et Casterman voudrait, en attendant l'album des Picaros qui prenait un temps fou à être créé, qu'on fasse des produits dérivés, des albums, jeux, des tas de choses avec Tintin. Donc j'ai commencé comme ça. Alors moi personnellement, j'ai rencontré une fois Hergé en 71 à Tournai. Il venait visiter une petite foire de la BD, il était reçu officiellement par la ville. Et alors, il a été reçu très officiellement chez mes parents, comme le grand auteur maison. Alors je me souviens d'un repas assez formel. Et pour finir, la conversation se déroulait plutôt entre lui et moi. Et alors, Hergé était très dans à l'époque en tout cas, après l'album Tintin au Tibet, et beaucoup de recherches personnelles, il était très dans la mouvance des philosophies orientales, le bouddhisme et tout ça et tout. Et alors la thématique était arrivée sur la table, si je puis dire, de l'ouverture à l'autre. Voilà. Et alors moi, benoîtement, je lui ai posé la question, mais jusqu'à quel point peut-on s'ouvrir à l'autre sans se perdre, entre guillemets, ou se nier soi-même ? Alors il a été un peu interloqué, il m'a regardé, il m'a dit, ça c'est une excellente question. Mais on en est resté là. Alors on peut passer là, mais malheureusement je crois que cette église est fermée, elle est absolument ravissante. Et si je me souviens bien, il y a... Bah si, elle est ouverte. Parce que je crois qu'il y a des choses offertes par les Casterman à l'intérieur de l'église. Alors il y a quand même une stratégie qu'on peut reconnaître à Casterman et qui n'est pas neutre, c'est d'avoir véritablement, en collaboration bien sûr étroite avec Hergé, conçu le standard de l'album franco-belge. Les premières aventures de Tintin n'ont pas de pagination arrêtée. Les aventures de Tintin s'achèvent lorsqu'Hergé est allé au bout des idées qu'il pouvait développer sur ces histoires, comme un romancier pouvait le faire. Le Lotus Bleu, le Crabe aux Pinces d'Or, tous ces albums ont des paginations, je parle des éditions originales noir et blanc, des paginations qui sont jamais les mêmes. Et Casterman a l'intuition, et particulièrement Charles Laine, qu'il y a un marché, effectivement, à prendre, qui est le marché de l'album pour enfants, et que Casterman a les moyens techniques d'imprimer en couleur. Et à l'époque, les albums pour enfants et les bandes dessinées pour enfants, je pense à Zig et Puce, je pense même aux aventures de Mickey, aux aventures de Mathurin Popeye, etc., étaient plutôt en bichromie, Et donc, Casterman et Hergé vont mettre au point une technique qui sera utilisée jusque encore très récemment, qui consiste en fait à ne pas mettre en couleur directement sur le dessin, mais sur un document séparé. Donc ça, c'est un travail commun entre Hergé et Casterman, mais c'est vraiment une décision portée par Casterman qui va changer totalement l'impact de la série, puisque Tintin, entre, disons, 1930 et les années 45-50, est un phénomène belge, et on pourrait même presque dire un phénomène belge catholique. On a forcément grandi avec le rituel de mon père ramenant à la maison le nouvel album fraîchement imprimé, quoi, donc, et la découverte. Et ça a peut-être, chez moi, joué encore plus pour Alix de Jacques Martin. Parce que, bon, voilà, j'étais très porté sur l'histoire. Et donc, évidemment, Jacques Martin, avec Alix, me rassasiait beaucoup plus. Et donc, effectivement, l'arrivée d'un nouvel album d'Alix, ça, c'était vraiment un moment exceptionnel, quoi. Toutes affaires cessantes, lecture de l'album, quoi. Voilà. Et alors là, j'ai une autre anecdote, c'est que c'était pour l'album Spartacus. Et à un moment, une scène dans une villa sur les bords du lac de Côme, dont le propriétaire, évidemment, se baigne nu avec deux jeunes enfants, une image qu'on n'oserait plus maintenant proposer. Et je vois ça, et tout de suite, je cours vers mon père, je dis, mais enfin, tu as vu ça? Et alors, mon père a eu cette réaction, ah! Enfin, du style, enfin! Il m'a encore eu! Jacques Martin, quoi. Donc, mon père était furieux que cette image soit passée telle qu'elle. Regardez s'il n'y avait pas une plaque de la famille Casterman. Non, j'en ai pas eu. Je sais pas où ils sont enterrés. Je serais étonné qu'ils n'aient pas leur église attitrée, mais en même temps, logiquement, ça devrait être celle-ci, parce que l'entreprise Casterman, vous allez le voir, est littéralement à 50 mètres d'ici. On est rue des Sœurs Noires. Donc les Sœurs Noires qui sont, si je ne m'abuse, des Augustines. Les archives où on va sont rue des Augustins. C'est ça. Pour terminer sur ces liens entre Casterman et l'identité de la ville, moi ce que j'ai trouvé tout à fait fascinant, c'est le choix d'implanter les archives dans l'ancien bâtiment de l'imprimerie. Parce que vraiment faire de ce lieu, littéralement le lieu de mémoire de la ville, c'est un très beau symbole et un raccourci assez saisissant de la place qu'occupe cette maison dans l'identité de la ville. On peut sonner ? Bonjour, ça va Sylvain? Bonjour. Bernard de Smal, vous nous accueillez dans ce bâtiment. On vient de passer la porte, un bâtiment en brique, une façade en brique et en béton, avec simplement marqué Archives de l'État. Est-ce que vous pouvez nous dire où nous sommes exactement? Oui, vous vous trouvez ici dans un morceau de l'ancien complexe Casterman, qui s'est fait au fil du temps par l'acquisition de parcelles, de maisons, et qui au final occupait quand même 4000 m² au sol, en plein centre-ville. Lorsque l'entreprise a cessé ses activités, l'ensemble du site a été revendu à un promoteur immobilier, et la ville de Tournai a racheté le bâtiment dans lequel nous sommes, afin d'y abriter les archives de l'État. Alors ce bâtiment est un bâtiment qui a été construit dans les années 1962-63 pour l'entreprise Casterman afin d'y accueillir des presses au plomb. Comme tout le monde sait que les presses au plomb sont des mastodontes qui pèsent fort lourd, l'avantage du bâtiment était d'offrir de naissance une portance au mètre carré tout à fait idéale pour y conserver des archives. Alors aujourd'hui, dans ce bâtiment, il y a une dizaine de kilomètres d'archives qui sont des documents d'administration de l'État, des documents d'autres services publics et alors également des archives privées qui peuvent être des archives d'entreprise, des archives de grandes familles, des archives de personnes entre guillemets célèbres. L'offre est assez éclectique par rapport aux demandes des chercheurs. Et alors les archives Casterman, vous les qualifieriez comment? Archives de grandes familles, archives d'entreprise, archives de personnes célèbres? Pour moi, ce sont des archives d'entreprise, puisque l'ensemble du fonds sont vraiment des documents issus de l'activité des éditions Casterman. Pour ce qui est de la partie imprimerie, nous avons également des documents, mais en moindre quantité. Alors, l'arrivée des archives Casterman, c'est un peu une épopée, puisque entre-temps, l'entreprise a cessé, elle a été reprise par Flammarion. La première idée de Flammarion était de tout envoyer à l'IMEC à Caen. L'IMEC, c'est l'Institut de mémoire de l'édition contemporaine. Voilà, la décision a été prise. Et puis, il y a eu un certain lobbying, entre autres de la famille Casterman, pour que ces archives ne partent pas à l'IMEC, mais reviennent quand même sur tournée. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas voir l'histoire de Casterman avec ses archives sans voir l'environnement européen de l'époque. Les entreprises familiales ont disparu. Didier Plateau. Alors, il y en a qui ont disparu intelligemment. Casterman, hélas, a disparu, dramatiquement. Le Lombard était vendu, Dupuis était vendu, toutes les entreprises familiales belges performantes ont été vendues. Lombard, Dupuis ont très bien vendu, Casterman a mal vendu. Alors, pourquoi? Le conseil d'administration, les actionnaires Casterman veulent racheter le numéro 1 à l'imprimerie en Belgique qui s'appelle Brepols. Cette entreprise est proche de la faillite et avec une banque, Casterman sauve l'entreprise, rachète, en espérant trouver des synergies. Et Casterman n'a pas su redresser Brepols, qui est parti à la faillite. Donc l'argent mis là n'a pas été mis entre-temps dans l'imprimerie Casterman pour renouveler l'imprimerie de machines. L'imprimerie, vous devez investir chaque année, sinon ça vieillit très vite. Entre-temps, le marché européen s'est ouvert. Casterman a perdu son gros marché des annuaires téléphoniques. Et donc, confronté à la faillite de Brepols, à son manque de moyens et à la perte d'un de ses gros clients, l'entreprise a été gravement en difficulté. Et donc, l'entreprise a vendu ses bijoux de famille, qui étaient l'édition, qui étaient vendus à Flammarion. Pour garder l'imprimerie, qui, malgré cela, est parti en faillite dans un délai assez court quand même. Alors Bernard de Smal, quand vous avez reçu toutes ces archives de Casterman, quel a été votre premier travail? Qu'est-ce que vous avez fait, puisque certaines d'entre elles n'étaient pas du tout classées, dans un état assez mauvais? Comment est-ce qu'on s'y prend quand une telle quantité d'archives arrive? D'abord, on est surpris. Et moi, j'en étais le premier surpris de l'ampleur, parce que bon, des archives d'entreprise, en règle générale, ce sont des gros fonds, mais ici, c'est un très, très gros fonds, puisque on peut estimer l'ensemble à un kilomètre et demi, ce qui est assez volumineux. La première chose, c'est d'ouvrir les cartons, de voir ce qu'il y a dedans. Heureusement pour moi, il y avait quand même un préclassement, je dirais, dans les caisses, ce qui a permis de faire un premier, entre guillemets, pré-rangement pour mettre tous les copie-lettres ensemble, tous les dossiers clients ensemble, et donc avoir une petite lueur d'ordre, je dirais, même sommaire, dans l'ensemble de ce fonds. Vous êtes donc chargé de la conservation d'un fonds d'archives sans doute très précieux pour l'histoire de la bande dessinée. Vous-même n'étiez pas un spécialiste de bande dessinée avant de recevoir ce fonds? Non, absolument pas. J'avais une spécialisation en histoire du livre, histoire de l'imprimerie. Donc, quand j'ai accepté le fonds, c'était dans l'optique, mais histoire de l'imprimerie, histoire du livre, voilà. Et je ne m'attendais absolument pas à ce que cette partie bande dessinée tout d'abord soit si importante et que cette partie bande dessinée soit si intéressante. J'étais loin de me douter qu'il y avait une frange d'historiens qui s'intéressaient à l'histoire de la bande dessinée et autres que des graphistes, par exemple. Je découvre maintenant, grâce à l'étude que font des doctorants dans ce fonds, un aspect possible de recherche historique que j'ignorais totalement. J'ai eu un premier doctorant qui est venu et qui m'a demandé pour travailler pour sa thèse sur le fonds Casterman, alors que sa thèse était nettement plus large dans son sujet. J'ai dit oui, le fonds n'est pas classé, mais voilà, vous pouvez aller à la pêche et bonne chance. Et puis après son doctorat, cette personne est devenue chargée de cours et donc a initié d'autres recherches. Et donc maintenant, j'ai un deuxième doctorant qui me dit, quand il vient, « Ah oui, mais j'ai trouvé ça !» Et donc, je découvre un peu, par la recherche en cours, toutes les possibilités et toutes les richesses de ce fonds. Le premier doctorant, c'était Sylvain Lesage ? C'est cela, oui. Et le second, c'est Florian Moine. Voilà. Sylvain Lesage, vous avez soutenu il y a quelques années une thèse sur l'album de bande dessinée. Aujourd'hui, vous co-dirigez avec Pascal Horry les recherches de Florian Moine sur Casterman. Pourquoi est-ce que travailler sur l'histoire d'une entreprise et en particulier d'une maison d'édition, c'est quelque chose d'intéressant pour un historien ? Quel champ de l'histoire ça nous fait toucher ? C'est ça qui est intéressant, c'est que ça fait toucher tous les champs de l'histoire. C'est ce qu'on voit de manière très claire quand on ouvre ce qui est, à mon sens, l'ouvrage fondateur de l'histoire du livre et de l'édition, l'apparition du livre de Henri-Jean Martin et Lucien Febvre. On voit très clairement l'idée que c'est le titre de deux chapitres, le livre se fermant, chose qui est relativement évidente à l'époque, s'intéresser à l'histoire des idées, mais qu'avant ça, le livre est une marchandise. Et cette articulation d'une histoire très concrète et d'une histoire peut-être plus intellectuelle est au cœur de l'histoire du livre et qui est la matrice, une des matrices essentielles de l'histoire culturelle. Et donc, ça donne à l'histoire du livre cette vocation globalisante, cette vocation à faire une histoire de la cave au grenier, parce que on le voit bien dans ses archives, ne serait-ce qu'en parcourant les étagères, c'est que on va pouvoir, en s'intéressant à Casterman, à la fois travailler sur des procédés de fabrication, le type d'encre utilisée, à quel moment de l'année on imprime Tintin ou Martine, etc. Ça va toucher également la politique salariale, la politique syndicale, le type de patron qu'était Casterman. Ça va toucher à l'histoire des familles également, à comment on transmet l'entreprise et comment on transmet le capital dans la famille. L'histoire locale, évidemment, et puis c'est une histoire transnationale également, parce que Casterman est une entreprise qui diffuse sa production très largement dans le monde francophone. Ça va toucher, bien sûr, l'histoire religieuse, c'est une évidence, ça va toucher l'histoire de la bande dessinée, ça va toucher l'histoire politique, bref, c'est une espèce de levier pour déplier toute une série de problèmes qui sont extrêmement complexes et qu'on peut étudier dans un périmètre relativement restreint. Alors je dis bien relativement parce qu'on a quand même quelques kilomètres d'archives qui font écran entre la question et puis la solution. Voilà, mais nous allons prendre l'ascenseur pour aller rejoindre le fonds Casterman dans les magasins. Je vous précède. Voilà. Là, vous venez de couper la soufflerie. Voilà, je viens de couper l'air conditionné puisque tous nos magasins sont munis de blocs qui maintiennent une température et une hygrométrie constantes. Ce qui saute aux yeux quand on arrive, c'est d'abord que ces archives, là on se trouve devant une bibliothèque avec des centaines de livres, de bandes dessinées en particulier. Je vois des Corto Maltese, je vois des Alix. C'est ça, donc c'est ce qu'on appelle la bibliothèque de référence, c'est-à-dire que chaque imprimerie garde toujours un ou quelques exemplaires des livres qu'ils impriment. Et donc Casterman n'échappe pas à la règle. Et là, donc, ouais, voilà, vous avez ici hein, le diocèse de Tournai à Lourdes, manuel du pèlerin, voilà, Voyage au centre de la culture de Jean-Yann et Topin. Mais c'est impossible d'embrasser l'ensemble du fond en une fois, tellement il est varié, tellement il est... Parce que ça demande une grande connaissance de, pas l'histoire de l'imprimerie, mais l'histoire de la firme. Quand vous voyez des classeurs où on vous met copie lettre Willy Fader, mais il faut savoir qui est Willy Fader, sinon ça ne vous dit rien. Alors on entend des voix au fond de la salle. C'est Florian Moine, sans doute ? Sans doute, sans doute. Alors allons le retrouver. Alors Florian Moine, nous sommes dans une petite salle attenante à cette grande salle pleine de tiroirs, dans laquelle il y a toutes les archives Casterman. Vous êtes installé sur une toute petite table avec un ordinateur, un appareil photo, quelques dossiers d'archives. On est presque dans une cellule monastique ici, c'est là que vous travaillez. Oui, quand je suis à Tournai, donc aux archives Casterman, systématiquement je me rends au sous-sol, le personnel a l'habitude de me voir maintenant, au sous-sol, sortir la table et me mettre au travail en sortant effectivement soit des cartons déjà inventoriés, soit en faisant moi-même l'inventaire de ces cartons, en prenant des photographies, évidemment quelques notes, et cela de l'ouverture à la fermeture, de manière inlassable, mais toujours avec beaucoup de plaisir. C'est grâce à Sylvain Lesage que j'ai découvert les archives Casterman, parce que je cherchais moi-même un sujet de thèse, et lui m'a dit viens me voir, je t'emmène à Tournai, et puis tu vas voir par toi-même, mais ces archives sont extrêmement intéressantes. Et il y a une belle thèse à faire, donc on est venu ici, du coup, au sous-sol, là où on est actuellement, et on a été accueillis par Bernard Desmaël, que vous avez vu il y a quelques minutes. Et puis moi j'en suis ressorti très très impressionné par l'ampleur des archives et puis très motivé par la perspective de travail. Alors le sujet de la thèse ? Le sujet le titre temporaire en tout cas, c'est Casterman, donc métamorphose d'un éditeur entre 1919, on verra si je garde cette date, et 1999, qui est la date de revente des éditions Casterman à Flammarion. Quand on commence une thèse et qu'on arrive dans un fond d'archives comme celui-ci, Florian Moine, qu'est-ce qu'on fait ? Le premier jour on se pose beaucoup de questions. Enfin, en tout cas, moi, je me suis posé beaucoup de questions. Par quoi commencer, en fait ? Parce qu'on est pris d'une sensation un peu de vertige. Il y a énormément, énormément de choses à faire. Et donc, du coup, j'ai fait une liste des choses qu'il y avait. C'est-à-dire, j'ai dit, ici, dans tel coin, il y a les catalogues. Dans tel espace, il y a les dossiers de presse. Dans tel espace, il semble y avoir des dossiers sur l'imprimerie, ici, sur plutôt la bande dessinée. Donc là, j'ai fait une liste, tout bêtement. Et après, je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus important au départ, pour bien comprendre l'histoire de l'entreprise. Et donc je m'y suis mis. J'ai commencé par traiter les catalogues, les inventorier d'une part, et ensuite les étudier d'autre part, enfin dans un même mouvement en fait. Donc ça me permet de voir un peu ce que c'est que le travail de l'archiviste également, de manière un petit peu détournée, mais je suis pas évidemment les mêmes compétences qu'un archiviste, mais bon. Mais quelque part, vous faites un travail d'archiviste qui n'a pas encore été fait pour ces archives. Non, c'est ce qui est à la fois très intéressant et délicat, en fait, puisque il y a toujours l'effet de surprise, parce que parfois, même ce matin, vous voyez, j'ai ouvert un carton et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant que je n'avais jamais vu. Une des découvertes que nous avons pu faire, qui m'a beaucoup étonné, qui risque d'ailleurs d'étonner Benoît Mouchard, certains amateurs, c'est que Casterman avait l'intention de publier Corte Maltese en noir et blanc. Et c'est Hugo Pratt, en fait, qui, le 6 août 73, s'étonne et d'ailleurs refuse que les albums de Corte Maltese paraissent en noir et blanc. Il écrit: les couleurs des prochaines aventures de Corte Maltese sont déjà faites pour 4 épisodes. Les 2 derniers seront prêts fin octobre. Rien ne s'oppose donc à leur publication en couleur, beaucoup plus intéressante pour les éditions Casterman et pour moi. J'ai fait moi-même une enquête auprès de nombreux libraires qui m'ont confirmé que les albums de Corte Maltese se vendraient beaucoup plus en couleur. Il s'avère donc préjudiciable pour vous et pour moi d'en publier en noir et blanc. Je lisais pas Pratt. Didier Plateau. Qui n'était pas très connu à l'époque, à part dans PIF, n'était pas très connu. Et il se fait que le Lombard avait signé un contrat avec Hugo Pratt pour le publier dans le journal Tintin, suite au fait qu'il s'était fait sortir de chez PIF. Et comme le Lombard ne s'intéressait pas aux albums, ils avaient dit, tiens, Casterman nous fera les albums, allez signer un contrat avec Casterman. Et donc, Hugo Pratt a signé un contrat avec Casamane pour les albums. Et donc j'ai découvert Hugo Pratt et on a commencé à sortir des albums qui ont été des échecs absolus. En fait, il y a eu 5 albums en couleur qui étaient édités au format des albums traditionnels avec des maquettes assez élégantes pour le début des années 70, mais très 70s. Il y a eu donc Rendez-vous à Bahia, L'Aigle du Brésil, La Conga des Bananes, L'Ange à la fenêtre d'Orient et Vaudou pour Monsieur le Président. Et ces albums en couleur ont suscité la colère de certains lecteurs, notamment un certain Raymond Cameron, qui écrit à Casterman le 20 août 1975 pour se plaindre de la mise en couleur des albums de Corto Maltese. 20 août 1975 à Casterman S.A., tournée Belgique. Messieurs, j'ai découvert il y a 2 ans Corto Maltese de Hugo Pratt. Je fus émerveillé. Un des grands de la bande dessinée. Récemment, publication de 2 albums, je les achète et je suis profondément déçu. Le graphisme de Pratt, si parfaitement adapté au noir et blanc, défiguré par ce peinturlurage atroce. Sacrilège ! De qui se moque-t-on ? Cet inutile barbouillage n'apporte rien, sinon une scandaleuse augmentation du prix des albums. Qui en profite ? Le lecteur ? L'auteur, qui voit son œuvre enlaidie et appauvrie ? Certainement pas. L'éditeur non plus. Chacun sait que l'éditeur est le mécène moderne ami des arts et des lettres. Un ami de la famille ? Coloriste à ses heures et méconnu ? Le Minus, qui a habillé les fresques de la chapelle Sixtine, était lui aussi à son époque considéré comme un artiste. Messieurs, vous êtes des barbares. Je vous méprise. Raymond Cameron. Ça montre à quel point l'accueil de la mise en couleur a été mal pris. Raymond Cameron, on ne sait pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça pourrait être un professionnel qui fait un canular, parce qu'il y a quand même... Et quelqu'un chez Casterman a cru intéressant de conserver cette lettre dans les archives. Tout le courrier des lecteurs n'est pas dans les archives. Non, en effet, mais là, cette lettre... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est envoyée en 75, et que 75, c'est justement l'année où Casterman va éditer un album de Corto Maltese en noir et blanc, qui est La Ballade de la Mer Salée. L'événement, le détonateur, c'est La Ballade de la Mer Salée. Ça, c'est le détonateur de toute l'histoire de Casterman. Pourquoi ? Parce que moi, constatant, jeune éditeur, encore un peu incompétent, que ça ne se vendait pas, Pratt, alors que je voyais que c'était une star, je me suis dit, voilà, on le met comme les Schtroumpfs, comme Lucky Luke, c'est un public enfant, il ne va jamais trouver son public, il doit être un public adulte. Et donc, quand j'ai trouvé Pratt qui disait, Didier, je quitte Casterman parce que je ne gagne pas ma vie, là, c'est pas possible, je lui ai préparé une maquette, blanco, comme on dit, de La Ballade de la Mer Salée. Comme un roman, en version souple, je dis, voilà, on va te publier comme ça, en noir et blanc, comme un romancier, et on va mettre dessus roman, et en tout petit en dessous, en bande dessinée. Le 2 octobre 1975, Didier Plateau écrit à Hugo Pratt « La Ballade de la Mer Salée est une histoire passionnante qui me plaît énormément. J'ose croire que l'album fera une belle carrière. Je suis bien sûr très, avec très souligné, je suis bien sûr très intéressé par toute histoire de grande pagination. » Et en fait, cette phrase qui a l'air anodine va être vraiment décisive puisque La Ballade de la Mer Salée va devenir le prototype du virage que va prendre Casterman à la fin des années 70 avec des albums en noir et blanc et de très fortes paginations. La Ballade de la Mer Salée va recevoir notamment le prix du meilleur album à Angoulême en 76. Je pense que ça va être pour Didier Plateau un argument pour défendre auprès de la direction de Casterman l'idée que la bande dessinée ne s'adresse pas qu'aux enfants, qu'il y a peut-être de nouvelles formes à explorer et des nouveaux auteurs à interpeller. Et donc, parmi les choses qui sont mises en place d'un point de vue aussi de communication à l'époque, il y a des publicités dont on a retrouvé des projets qui parlent de La Ballade de la Mer Salée en utilisant un terme qui va être important pour la maison, c'est le terme de roman. Et donc, le terme de roman commence à apparaître à propos de la bande dessinée dans la correspondance de Casterman dès 76. Et ça a démarré. Prix à Angoulême. Et après, je me pose la question, on se pose la question, et alors ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et après ? Et après, il n'y avait rien. Et donc on a réuni des auteurs comme Tardy, comme Forest, comme Auclair, d'autres, hein, les a réunis en disant « Vous êtes capable de faire ça? Ça vous intéresse de faire ça ?» Tout le monde a dit « Oui ». Et on a dit « Bon, ben, il faut qu'on fasse un magazine, puisqu'on était encore dans l'ère de la presse. Je crois qu'on a été les derniers à sortir un magazine encore qui a tenu la route. » Alors, j'ai souhaité qu'on le fasse à Paris. Là, c'était clair et net, parce que tout se passait là. La Belgique, glorieuse initiatrice de la bande dessinée, était quand même, pas dire fossilisée, mais était emprisonnée dans une prison royale qui était la rivalité Tintin-Spirou. Et j'estimais qu'il n'y avait pas de place là. Et donc on a pris, rue Madame, pour ne pas avoir de frais de bureau, on a pris une soupente dans les entrepôts de Casterman à la rue Madame pour faire quelques bureaux et démarrer à suivre là. Ne manquez pas le début. Tardy et Forest signent ensemble leur premier grand récit en 8 chapitres, ici même. Hugo Pratt retrouve Corto Maltese dans la Sibérie de 1918, aux confins de la frontière mongole. Un véritable roman d'aventure. Auclair écrit la première épopée régionaliste en bande dessinée, La Bretagne de Bran Ruhs. Aujourd'hui, le roman s'écrit aussi en bande dessinée. À suivre, chaque mois, 108 pages, 10 francs chez votre marchand de journaux. Vous pouvez nous montrer à quoi ça ressemble un dossier auteur, le dossier de Jacques Tardy par exemple ? Alors le voilà, vous allez avoir donc un dossier, au sens propre du terme, donc, fait de documents qui sont essentiellement des documents de correspondance. Donc là par exemple, j'ouvre le dossier, vous avez une lettre qui est la première lettre écrite par l'éditeur, ici représentée par Didier Plateau, à donc Monsieur Tardy, donc Jacques Tardy, où il parle effectivement d'une rencontre entre deux dont il garde visiblement un très bon souvenir, enfin c'est ce qu'il écrit. « Cher Monsieur Tardy, je garde un excellent souvenir de notre récent entretien à Paris. J'espère sincèrement que ce premier contact débouchera dès que possible sur une collaboration très fructueuse. » Comme promis, vous trouverez ci-joint un projet de contrat standard pour toutes nos collections. Il est évident que ce contrat type est susceptible de toute modification, de tout aménagement qui peuvent convenir aux deux parties signataires. Et ça, c'est extrêmement intéressant, puisque effectivement, il y aura des aménagements, et que Didier Plateau a conscience de s'adresser à quelqu'un dont il faudra négocier ensuite l'allégeance. Avenant au contrat numéro 2211. 1. Le roman en bande dessinée intitulé... 3 petits points... paraîtra mensuellement en prépublication dans le magazine Saga, titre provisoire, tant en langue française que dans la version néerlandaise de la dite revue, sous forme de chapitres de longueur variable. Est-ce que c'est pas dans ce contrat qu'il y a prévu que la clause qui autorise les droits? Non, c'est pas dans celui-ci, c'est dans le contrat sur Adèle Blanc-Sec. Alors il faudrait que je vous le retrouve. Où est-ce qu'il est? Attendez que je m'y retrouve. Donc là, on a l'écriture de Tardy. Ici. De temps en temps, Tardy s'exprime à Didier Plateau en lui disant « Je t'aime », ce qui est toujours assez rigolo. « Cher Didier, bien reçu le Yakari, France Loisir, rien à dire, ok pour Adèle. Je croyais que c'était déjà fait, peut-être est-ce que j'ai mal compris. À bientôt à Paris pour parler filmation. Une nouvelle Adèle avance. À bientôt, Tardy. » Voilà. Donc c'est un contrat qui a été signé en 1975. Donc c'est un contrat qui porte sur ce qu'on appelle la collection des albums en bande dessinée Edith Rabajois. Même si le nom finalement de la série n'est pas fixé, hein, puisqu'Edith Rabajois devient Adèle Blanc-Sec, on envisage tout de suite un programme qui porte sur une collection. Ça c'est ce qui m'avait interpellé au départ, puisque c'est pas du tout la norme hein, en réalité. Hein. D'autre part, effectivement, ces fameux articles 4, hein, dès lors, l'auteur-dessinateur est autorisé à publier d'une part toute réalisation à caractère érotique, soit dans le cadre d'une série, soit sous la forme d'un album isolé. Cette question de la nudité dans la bande dessinée, Louis Donat Casterman, elle a été importante à la fin des années 60, au début des années 70, quand la bande dessinée a pris un certain virage, en général, la bande dessinée adulte. Comment est-ce que dans la famille... ces questions se sont posées, celles de la bande dessinée adulte, ce qui signifie, entre autres, de la nudité, mais pas seulement. À part deux, trois personnes, ça a été quand même fort mal reçu. On était vraiment dans le nœud gordien d'une vieille entreprise familiale, avec sa culture, et qui en même temps était dans une phase d'évolution, sûrement un peu forcée par rapport à l'identité précédente, parce que c'est aussi à cette époque que Casterman a complètement abandonné tout ce qu'on appelait le catalogue fond, c'est-à-dire des collections d'ouvrages, de réflexions, de prospectives même, des collections pas du tout figées, je veux dire, avec même des ouvrages parfois assez audacieux, et qui continuait à donner à la maison d'édition une image assez généraliste. Et puis là, voilà, décision a été prise d'abandonner tout ça, et donc de ne se concentrer que sur la littérature jeunesse et la bande dessinée. Personnellement, je l'ai regretté, c'est sûr. Et vous n'avez pas aimé ? Ce n'est pas que je n'ai pas aimé, voilà, c'était l'évolution. Si, il y a des albums que j'ai bien aimés, bien sûr, Adèle Blanc-Sec de Tardy, Corto Maltese, toutes ces histoires, peut-être plus les aventures ancrées dans l'histoire que simplement la balade. Je dois même confesser que j'ai aimé Manara, donc voilà. Mais bon, voilà, ça fait partie de l'histoire de Casterman, mais voilà. C'était une rupture, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Note à propos de la réunion du 28 juin 1979. La poursuite de la publication de la revue est d'ores et déjà refusée au-delà d'un délai très court et nonobstant toute retombée quelconque. A. Si les outrances constatées, inadmissibles, scandaleuses à l'occasion, stupéfiantes, dans la mesure où elles ne paraissent point émouvoir l'équipe responsable, ne sont point totalement éliminés. Il devrait paraître évident que toute vulgarité caractérisée est objectivement condamnable, et qu'à l'opposé, il ne s'agit point ici d'un refus bégueule de toute chose un peu osée. B. Si un certain climat et un certain esprit parisienno-marginal, tout aussi stéréotypé que d'autres, continuent à imprégner la revue, compromettant par le fait tout objectif d'ouverture. Tout ceci, qu'il s'agisse de textes, de planches ou croquis, d'annonces publicitaires à l'occasion. Tout ceci sans transition, quelles que soient les contraintes psychologiques ou techniques. Louis-Robert Casterman. S'il y a un humanisme chrétien chez Casterman, c'est indéniable. Il y a aussi un rapport à la pudeur assez important. Et faire entrer Manara, par exemple, ça peut provoquer un certain nombre de questions à l'intérieur de l'entreprise. Certaines planches représentent une idée de manière totalement explicite, hein, mais il n'est pas le seul. Hein. Je pense notamment à certaines planches de Chantal Montelier également, qui publie très peu de temps chez Casterman, mais dont certaines planches sont stigmatisées, par exemple, par Louis-Robert Casterman dans une note interne qui affirme qu'il s'agit de quelque chose de scandaleux. Également, ce qui m'a surpris un peu plus, mais que l'on peut comprendre, c'est des résistances à l'intérieur du personnel, et ça on le voit aussi sur des notes. Hein. Il y a une note de Didier Plateau, un représentant du personnel, et lui dit qu'il sait très bien ce qu'il fait en éditant des romans en bande dessinée, et qu'il comprend les réticences à cesser l'apparition d'ouvrages de fond, mais que la stratégie de Casterman est pensée, et qu'il s'agit d'avancer tous dans la même direction, puisque ce personnel, qui parfois peut être là depuis des dizaines d'années, voit qu'ils impriment finalement eux des choses qui sont différentes, et s'inquiètent évidemment de la tournure des événements qui leur semble étrange à ce moment-là, puisque c'est plus la maison qu'ils ont connue quand ils sont parfois rentrés dans l'entreprise. Nicole Tenen, coloriste de Séverin, s'impatiente devant la lenteur de réalisation du récit et sa programmation non confirmée dans à suivre. Elle souhaiterait être payée directement par Casterman plutôt que par Séverin, ce que j'ai écarté. Gueluc demande des aménagements à son contrat. Quid de Manara, Lozé, Grenoble. Je suppose que nous nous verrons au vernissage de l'exposition Hergé ce mardi. Salut et amitié, Didier. Là, ces échanges, on a finalement que ce qui est transcrit, mais on peut s'imaginer, et d'ailleurs les lettres nous y invitent, hein, d'avoir des échanges au restaurant, des coups de téléphone, etc., puisqu'il y est fait régulièrement référence à, comme je l'ai dit la semaine dernière à Paris, comme nous en avons convenu au téléphone. Donc, c'est évidemment des choses qui sont perdues, hein, pour l'historien, mais on en garde des traces et on peut finalement reconstituer parfois de manière assez fine les relations. On peut voir à peu près quand est-ce que tel album a été discuté, quand est-ce que telle planche a été échangée. Les échanges sont très pragmatiques, hein. C'est j'ai besoin de telle page, voilà. À part au tout début, il y a peu d'échanges sur vraiment le contenu des livres. Ça s'explique tout simplement par le fait que les échanges se passent physiquement rue Madame à l'époque, donc il n'y a plus beaucoup de traces écrites de leurs échanges. Non, il y a toujours les deux formes, hein. La forme de contact verbal, hein, mais qui rapidement était cordial, on va dire toujours amical, mais cordial. Et puis il y avait nécessairement le moment des contrats, où là, c'était une forme assez académique, hein, que je respectais, voilà, les conditions du contrat, voilà, etc., les plannings, les relevés de vente, c'était convenu. Je ne crois pas, il faudrait aller voir les archives, que vraiment il y ait des lettres personnelles. Le personnel était verbal, mes souvenirs sont dans le verbal. Vous l'avez rencontré, Didier Plateau ? Pas encore. Pas vous encore. Allez le rencontrer ? Je pense, enfin s'il accepte de me rencontrer, oui. Et qu'est-ce que vous aimeriez lui demander ? A priori, j'aimerais le questionner sur les silences finalement de l'histoire, sur ses rencontres en fait. Comment concrètement est-ce qu'il parvient, il discute d'un projet avec un auteur, où est-ce que ça se fait, combien de temps cela prend, et quelles sont les motivations qui ont engendré le revirement, la métamorphose finalement de Casterman vers cette bande dessinée adulte, alors que l'éditeur n'y était pas du tout prédestiné, bien au contraire. Et voir si ça corrobore finalement mes hypothèses et puis si ça corrobore aussi les quelques notes que j'ai pu consulter aux archives. L'autre intérêt que je vois de solliciter des acteurs, c'est de créer de l'archive finalement, hein, placé en annexe de ma thèse, mais plus tard également pour d'autres chercheurs, hein, on fait jamais une thèse uniquement pour soi-même, qui pourront à travers finalement ces entretiens y chercher une autre matière et puis venir combler, enfin se placer dans les interstices, ce que j'aurais oublié, ce que je n'aurais pas vu finalement. Merci à Louis-Donat Casterman, Bernard Desmalle, Didier Plateau, Benoît Mouchard, Sylvain Lesage et Florian Moine. Lecture, Olivier Martineau. Prise de son, Laurent Lucas, Georges Thau, Yanis Djoudad. Mixage, Pierre Monteil. Les éditions Casterman, aux sources de leur histoire, un documentaire de Victor Massé de Lépinay et Marie-Laure Ciboulet. À un moment donné, moi je me suis dit, bon, c'est tout, Casterman a tourné, c'est un chapitre clos, c'est de l'histoire ancienne. Je savais que les archives étaient ici, mais je savais qu'elles étaient tellement énormes que le personnel du dépôt n'avait même pas les capacités humaines de commencer à les inventorier. Et donc pendant quelques années, entre 2005-2010, je me suis dit, bon voilà, c'est tissé à fond de cale, mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et puis voilà, un chercheur débarque, et puis maintenant ce sont d'autres personnes qui viennent, et puis qui se rendent compte de l'intérêt. Et donc quelque part, Casterman renaît un peu à tourner sur le site historique, et je trouve ça sympa. Des historiens dans les archives d'un éditeur de bande dessinée, des auteurs de bande dessinée au musée, c'est le cas de René Goscinny qui a deux expos qui lui sont consacrées ces temps-ci à Paris. Nous visiterons demain celle du musée d'art et d'histoire du judaïsme.